Canu Info du vendredi. Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux. Radio Canu 102.2. Aujourd'hui, dans la rubrique nucléaire, on va vous parler d'incendie, puisque ça ne vous aura pas échappé. Il y a des gros incendies en Ukraine depuis 2 semaines, et ça a commencé le week-end du 4 avril, dans la région de, devinez où, Tchernobyl. Alors, on connaît très bien ce nom, puisque c'est devenu une super série, mais c'est surtout un énorme accident, un des plus connus. Donc voilà, et on peut dire qu'ils ont un peu allumé les bougies en avance là-bas, puisque Tchernobyl, c'était le 26 avril, donc voilà, un petit peu en avance. C'est quoi tous ces trucs qui clignotent ? Alors, c'est le plus grave incendie survenu dans les forêts avoisinantes depuis la catastrophe nucléaire du 26 avril 1986. Le plus grave, mais malheureusement pas le seul. Il y en a d'autres qui sont déjà arrivés en 2015, en 2010, en 2008, en 2002, en 1992. Pour l'instant, on a plus de 30 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée, avec la conséquence fâcheuse, en plus de tous les dégâts causés par les feux de forêt classiques, de réinjecter dans l'air ambiant les radioéléments stockés dans le sol et la végétation. Et alors, ce lundi 13 avril 2020, donc, les flammes de cet incendie d'origine vraisemblablement criminelle, donc puisque c'est un individu qui jouait à mettre le feu aux herbes, n'étaient plus qu'à quelques centaines de mètres du lieu de la catastrophe nucléaire. Allumez le feu, allumez le feu. Eh, du con, si tu veux jouer avec de l'herbe, essaye donc de la fumer plutôt que de la cramer, ça te calmera et tu feras moins de dégâts. Et puis évidemment, les pompiers en lutte avec les flammes ont rencontré de grandes difficultés. Ils ne pouvaient pas intervenir correctement en raison de la contamination radioactive du site. Par exemple, creuser des tranchées dans le sol très radioactif pour circonscrire l'incendie. Très risqué pour eux. Des risques en plus, du coup, pour un métier qui est déjà vachement risqué. Mardi, donc le 14 avril, la pluie est arrivée et la nature a aidé les pompiers à éteindre le principal foyer. Mais jeudi, la situation s'est de nouveau dégradée, le vent s'en est mêlé et ça a réactivé toute une série d'incendies dans des secteurs forestiers très contaminés par les retombées de Tchernobyl. Il y a aussi 2 autres foyers qui sont réactivés à 2 et 3 km de la centrale. Depuis, il y a eu des signes d'amélioration, les incendies les plus proches sont apparemment résorbés. Et la ville abandonnée de Pripyat a déjà été touchée par cet incendie. Une radioactivité 16 fois supérieure à ce qui est mesuré là-bas a été constatée. Ces incendies ont entraîné une augmentation de 700 fois la concentration en césium-137 dans l'air de la ville de Kiev, située à plus de 100 km au sud de la centrale de Tchernobyl. Des cendres emportées par les vents rendent l'air très poussiéreux, mais aucune mesure n'est prise pour protéger les populations là-bas, même dans les villages les plus proches de la zone doublement sinistrée. Alors, quelles conséquences pour l'ailleurs ? À qui peut-on se fier ? Est-ce que c'est aux mêmes que ceux qui nous ont affirmé il y a 36 ans que le nuage s'était arrêté à la frontière ? Ce nuage-là ne s'arrêtera pas à la frontière. En ce qui concerne l'impact sur le territoire français, la CRIRAD, qui est un collectif basé à Valence, donc CRIRAD qui veut dire Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, qui d'ailleurs s'est créée au moment de la catastrophe de Tchernobyl, donc la CRIRAD a relevé la balise de surveillance de la radioactivité atmosphérique qu'ils ont à Montélimar, dans la Drôme, et donc leurs mesures ont confirmé que du 3 au 10 avril, l'activité de césium-137 dans l'air ambiant est restée faible, très faible, en dessous des limites de détection. Idem pour la balise de Romans-sur-Isère, toujours dans la Drôme. Donc la CRIRAD sont sur le feu depuis le début et suivent, comment on pourrait dire, et suivent attentivement l'évolution de la situation. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site crirad.org et pas besoin d'être un expert en physique, c'est bien expliqué. Et ils ont même fait une petite vidéo sur toutes ces histoires d'incendie. Alors c'est vrai qu'en termes de sources d'information en nucléaire, vaut mieux faire gaffe. Et d'ailleurs, une belle illustration de la transparence dans le nucléaire qui est si souvent mise en avant par EDF, Orano et consorts, c'est par exemple l'incendie qui a eu le week-end dernier à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, qui est donc en région Centre-Val-de-Loire. Un feu d'hydrogène sur le parc à gaz, à l'extérieur, juste à côté de la salle des machines. Alors bon, ok, c'est une zone non nucléaire, il n'y a pas de trucs radioactifs à cet endroit-là. Mais il n'y a pas que les risques liés au nucléaire, en fait, dans ces usines. Elles cumulent aussi tous les risques classiques de l'industrie. Les incendies, les explosions, etc. En fait, ces usines, elles sont pleines de produits chimiques dangereux et toxiques. Javel, ammoniac, acide chlorhydrique, hydrocarbures, on a des cocktails merveilleux là-bas. Et ces produits, en fait, polluent régulièrement l'environnement et intoxiquent les travailleurs. Donc voilà, des bouteilles manipulées et un raccord mal fixé et hop, ni une ni deux, l'hydrogène a pris feu et on ne sait d'ailleurs pas trop comment. 15 minutes d'incendie, l'intervention des pompiers a bravé les flammes pour couper l'arrivée de gaz, 2 travailleurs sur 3 blessés par l'incident, mais pourtant, eh ben, pas un mot d'EDF au grand public, donc discrètement passé sous silence le feu de gaz hautement explosif. Alors, en fait, dire qu'EDF n'a rien dit à personne, c'est pas vrai. EDF a informé par mail la préf, les maires du coin et aussi le président de la commission locale d'information de la centrale de Belleville, donc ça s'appelle une CLI. Et une CLI, c'est censé être un espace privilégié de dialogue entre EDF, les habitants du coin et les élus. Mais semblerait que monsieur le président de cette CLI ait lui aussi joué le jeu de la rétention d'informations. Il a gardé ça pour lui et l'a transmis l'info à personne, en bon petit soldat d'EDF et de l'État qu'il est. Et alors, comment est-ce que nous on l'a appris ? Et bien, par un transfert de mails envoyés, renvoyés, etc., qui est finalement arrivé à nos petites oreilles. Donc comme quoi, il n'y a qu'en sortant des cadres préconçus et en passant par la base, par le peuple, qu'on peut avoir une info libre et surtout une info vraie. Une bonne raison de continuer à écouter les KNU Info. Oui, et pour continuer à vous informer en toute fiabilité sur ce qui se passe vraiment, donc gardez les oreilles branchées sur la radio, évidemment, sur le 102.2. Et pour les yeux et... un petit tour régulier sur Rébé et sur les pages, notamment du collectif de la CRIRAD dont on parlait tout à l'heure et du réseau Sortir du Nucléaire.